Tu peux toujours me reprendre. J'attends les mots, tous les gestes tendres. Un instant de toi, j'ai de l'amour à te rendre. Et si le temps me donne le meilleur de toi. Toujours me reprendre.